Chapitre 41. En rentrant chez lui, le jeune ingénieur se rendit dans le salon, où il avait vu de la lumière. La marche rapide qu'il venait de faire l'avait surexcité, au lieu de le calmer, et son sang bouillonnait d'une colère presque inconsciente. Il avait envie que quelqu'un lui cherchât querelle afin de se battre. Il croyait sentir que cela lui ferait du bien. Rose était dans le salon comme à l'ordinaire avec un livre. À sa vue, la colère d'André tomba subitement, car il se rappela que Marguerite avait intercédé pour elle. S'il avait obtenu la pitié et le pardon de Marguerite, André devait se montrer clément. Elle se redressa vivement en le voyant entrer et comprit que l'heure était venue. Il s'arrêta en face d'elle et, maîtrisant son émotion, il lui dit d'une voix presque calme « Je crains qu'il n'y ait entre nous un malentendu. Pouvez-vous m'accorder un moment d'entretien ?» Rose acquiesça d'un signe de tête, car elle était incapable de parler. Elle, autrefois si hardie, elle tremblait devant lui comme un enfant devant son maître. « Lorsque nous sommes convenus d'un commun accord d'habiter ensemble à cet appartement, il était bien entendu que ce serait une mesure transitoire, destinée seulement à donner satisfaction aux convenances. C'était bien entendu, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Rose qui devint d'une pâleur de cendre. « Je crois, continua André, que l'opinion publique doit être satisfaite. Il serait injuste de ne pas ajouter que votre tenue irréprochable a été pour beaucoup, dans la convenance et la facilité de nos relations réciproques. Rien que pour cela, je dois vous remercier d'avoir accepté avec tant de déférence une vie monotone et triste, si peu en rapport avec vos goûts. » Rose le regardait fixement. Une sorte de triste sourire passa sur ses lèvres, puis son visage redevint grave et attentif. « Maintenant, rien ne s'oppose à ce que nous vivions d'une façon moins rigoureuse. J'ai l'intention de voyager. »« Dans le midi ?» demanda Rose en rapprochant légèrement ses sourcils. Elle pensa que peut-être Marguerite lui avait manqué de parole et qu'il allait la rejoindre. « Non, » répondit-il un peu surpris, « n'importe où. Cette maison continuera à être la vôtre et je me fie à la discrétion dont vous n'avez cessé de donner des preuves depuis les circonstances qui nous ont réunis pour la rendre respectable et respectée. » Elle fit un petit signe de tête qui ressemblait à un remerciement. Cette vie vous imposera cependant quelques contraintes. Par exemple, un choix rigoureux dans vos relations. Mais puisque vous avez paru en goûter les avantages, tels que la considération publique et les égards qui s'attachent à la femme qui porte mon nom, vous y trouverez peut-être des compensations suffisantes à l'ennui que vous y éprouverez sans doute. Elle l'écoutait toujours. Il s'arrêta, un peu interdit, car il ne savait plus que dire. Il sentait qu'elle attendait encore quelque chose. « Vous ne reviendrez jamais ?» lui demanda-t-elle d'une voix émue qu'il ne lui connaissait pas. « Mais si, évidemment. Cette demeure étant considérée comme le toit conjugal, j'y reviendrai, de temps à autre. » Elle s'est élevée, et elle tendait vers lui ses mains jointes avec une indicible expression de prière. « Vous ne me pardonnerez jamais ?» lui dit-elle en tremblant. Il détourna les yeux, pris d'une sorte de frayeur de ce qu'elle allait dire. « Je vous ai pardonné, » répondit-il sans la regarder. « Juste, André, » reprit Rose, « je vous ai gravement offensé. J'ai manqué à tous mes devoirs. Je vous ai trompé même avant mon mariage. » Il se retourna brusquement comme s'il l'avait frappé par derrière et le regarda en face. « Oui, j'avais aimé quelqu'un dans ma première jeunesse. Je l'avais aimé comme un mari. Il était mort, je ne vous l'ai pas dit. J'ai commis alors une grande faute. Je ne le savais pas. Je l'ai compris depuis. » Elle leva les yeux sur lui et rencontra le regard d'un juge que nulle pitié ne saurait émouvoir. « Je pouvais continuer à vous le cacher, » dit-elle de la même voix humble et contenue, « mais je suis changée, ma vie est changée. Je ne puis plus vivre devant vous comme par le passé. Je n'étais pas forcée de vous l'avouer, juste André. Ne comprenez-vous pas que si je vous le dis aujourd'hui, c'est que je vous demande un pardon entier pour ma confession entière ?»« Il est mort, » dit André toujours sévère. « Oui, il y a 10 ans. Je vous pardonne encore cela, » dit l'époux sans se départir de sa sévérité. « Qu'y a-t-il encore ?»« Vous savez le reste et vous me l'avez pardonné. Me répéterez-vous l'assurance de ce pardon ?»« Je vous pardonne tout, » dit-il de sa voix calme. « Maintenant, nous pourrons vivre en paix, loin l'un de l'autre. » Il se détournait pour sortir, elle l'arrêta d'un geste suppliant. « Loin l'un de l'autre, André ?» J'ai compris ce que vous valez. Je sais maintenant quelle âme est la vôtre. Je ne crois pas, dit-il sans s'émouvoir. Vous avez raison, reprit-elle humblement. je ne puis vous juger. Je n'en suis pas digne. Mais j'ai appris à déplorer mon aveuglement, à reconnaître mon ingratitude. J'ai compris que vous aviez été pour moi l'époux le plus indulgent, le plus généreux, et que j'avais été la plus ingrate, la plus criminelle des femmes. J'ai compris tout cela, juste André. À mesure que la souffrance pénétrait dans mon âme, à mesure que je connaissais mieux le trésor que j'avais perdu, je m'attachais à lui davantage. Je m'attachais à lui d'une tendresse de plus en plus profonde, plus douloureuse. Je sentais bien qu'il ne m'aimerait jamais, puisque j'avais dédaigné son amour et trahi la foi jurée. Et pendant que je sentais cela, je sentais aussi que chaque jour je l'aimais davantage, qu'il devenait le maître et le roi de mon existence, et que vaincu par mes remords, brisé par le sentiment de mon indignité, je n'aurais pas de repos jusqu'au moment où je lui dirais à genoux devant lui, en implorant son pardon, que je l'aime et que... Elle s'était laissée glisser à genoux devant lui, il la releva d'un geste violent. « Ne prononcez pas ce mot, » dit-il, « il a été trop profané entre nous. L'amour dont vous parlez n'est pas ce que je ressens pour vous, car celui-là n'était pas égoïste, et ce n'est pas celui que je ressens pour elle qui aurait dû être ma femme. Vous l'avez vu, elle. Vous savez alors combien elle est noble et pure, et combien peu l'amour que nous avons l'un pour l'autre a de ressemblance avec celui que vous pouvez éprouver. « Je le sais, » dit Rose avec douceur. « Eh bien, vous comprendrez alors que vos paroles sont inutiles et que mon cœur vous est fermé à jamais. Je ne sais si nous sommes appelés à vivre longtemps. La vie de cet ange que vous avez vu est si frêle que demain peut-être le chagrin l'aura tué. Mais sachez-le bien, elle serait morte depuis 10 ans, que rien ne serait changé entre nous. Après l'avoir aimée, je n'aimerai plus personne, vous moins que tout autre. Quand l'amour est mort, rien ne le rappelle à la vie, et c'est vous-même qui avez tué celui que j'avais pour vous. » Il se tut et passa la main sur son front. « Ce sont des choses pénibles, » dit-il après un court silence. « Nous aurions mieux fait de ne pas en parler. » « Oubliez ce qui a pu vous blesser dans mes paroles. Mon intention n'était pas de vous affliger. » Il passa, calme et hautain, se dirigeant vers la porte. Elle l'arrêta d'un geste timide. « Vous m'avez pardonné, pourtant ?» insista-t-elle. « Oui, tout, tout. Je vous remercie et je vous bénis, » dit-elle avec effusion. « Oh, mon cher mari, tant offensé, tant méconnu, donnez-moi votre main loyale en signe de pardon. » Il étendit vers elle sa main droite qu'elle serra contre sa poitrine en le regardant de tous ses yeux débordant de larmes. Ému lui-même, il la regarda avec plus de douceur, puis détourna la tête et sortit. « Maintenant, se dit Rose, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, ma vie perdue, et j'aurais pu être si heureuse. Enfin, je puis encore être utile à quelque chose ?»